chaotique, toi du Jason, Sophie, sens unique, production. T'as pas le mental, ok les gros. Oh tiens bien ça frère. Le poids serré le mental, pour AEF c'est beurre à full contact. T'as l'irica, braquage, on frappe, vas-y son pic full contact. Tu pleuras ça, l'authentique, on a que ça à proposer. Sans unique production, monte le son et écoute les proposés. J'adore la zik, j'veux pas du rap pour être un boycotté. Y'a pas que des bons côtés, y'a que la peur qui pourrait nous boycotter. J'reste authentique, j'veux pas entendre lui et Limitrof. C'est pour quartier plus sur l'ermitage et les tests limites. Alors c'est les SLK, quand j'arrive y'a des bédos qui se payent. Des tailles qui se payent, ça kick le but à la King's Pay. Je suis à vos tours et quand je vois les moitailles, appelle-moi Nozuko, mon stylo allemand taille sans moitaille. Faut faire ménage car problème si se distiller. 2007 c'est la guerre, pas prévoir la paix se distiller. J'adore le rock, pourquoi quand je fais du rap les rockers partent. Voile au sang, je veux briller comme Aurel Joubert à Rocker Park. T'as vu la défaite, pourtant la victoire est du rap. Suive les hauts placés de ce monde, doucement se rapproche du rap. Si moi je garde le mental, mais l'histoire c'est ma fierté. Depuis ma puberté, adolescent du rap supporté. C'est facile de s'emporter devant les gens qui te respectent, mais c'est moins facile devant un ennemi qui gonfle. Sopic Baltazar est authentique comme le tel. Car te donne car à l'hôtel j'te fontaine si c'est le cas. Aujourd'hui j'rappe pour tes oreilles pas pour ta tirelire. Tu comprends pas le principe t'es tout pas je te peinture le. La vie est courte pour certains c'est décès soudainement. Donc j'profite à fond et j'tape décès sur demande. C'est bien d'avoir une meuf mais y'a rien de mieux que sa daronne. Toi t'es orphelin dans l'esprit fait comme sa daronne. Le pansement du non-respect c'est la vate ça sera pas toi. Ce qui me rend nerveux aujourd'hui c'est la vate. Ici c'est bad, ici c'est grave, ici c'est corps paye dans la place. Quoi c'est dans la passe. On fait pas de passe pour gagner les pépites. C'est pour les sauces de finissant. Ouais, pour toi et ceux de Paycor. Quand tu le décores, l'authentique GTA fait le 18-6 à crâne. Ici c'est bad, ici c'est crâne, ici c'est corps, mais dans la place. Ouais, c'est dans la passe. On fait pas de passe pour gagner les pépites. C'est pour les sauces de finissant. Ouais, pour toi et ceux de Paycor. Quand tu le décores, l'authentique GTA fait le 18-6 à crâne. Les comptes, c'est officiel. J'ai pas baisé beaucoup de ficelles. Mes rêves se ternent et ma vie tient sur un bout de ficelle. Mes vis m'entourent. Putain, faut que je commence à les saquer. Les salopes, je les fais chanter, mais pas comme Alicia Keys. Ok, c'est vrai, j'ai peut-être pas beaucoup de qualifications. Mais je suis pas con, ouais. Et je compte très vite quand les flics s'actionnent. T'as reconnu l'équipe et tu kiffes quand on kick comme ça. J'garde mon éthique, quelques piercings et jogging costs là. Malgré les coups de traite, toujours là quand mes sons sont des soucis. Avec les meufs, c'est ferme ta gueule et suce-moi cette saucisse. J'suis vulgaire, car je suis partie des mecs qu'on vécu. Vous êtes tous des putes et d'être cocu, ça m'a convaincu. Ancien élève, mes salopes de profs m'ont mis à pied. M'amuse à peine, que déjà la poisse minimise ma peine. On est vite éminé, ouais, avec son pic on reste vitaminé. Allons vite la monnaie, car un coup ça c'est très vite arrivé. Le beat est crack aussi. Pour vous dire que j'ai le grac, je vous le spell dans le star. Car mes stats sont bien trop bâtards. Construis mon jeu à la par cœur, je suis méthodique comme un cours. Avec le mental d'un hacker, j'ai bien rodé tout mon parcours. Les mots je les enchaîne, l'émotion je la ramène. Pour faire vibrer la foule, c'est que je maîtrise mon domaine. Émane de mon son, plus de sens que de technique. Je préfère le rap à l'ancienne. Avant de rester authentique, ma gueule de corbeille. Jusqu'à ça, vini le temple. Sens unique et GTA, on a vraiment hâte que ça tremble. Le couteau sous la gorge, j'ai comme avoir la corde au cou. Je m'en sortirai toujours seul sans avoir la corde de mes couilles. Les douilles pleuvent en rafale et dans mon canapé je m'affale. Plus rien ne m'affole, y'a qu'une ACAP qui me raffole. Des paroles tristes qui me ramènent à des années en arrière. Tant de prières dans une enfance plutôt meurtrière. Ici c'est bad, ici c'est grave, ici c'est corps paye dans la place. Quoi c'est dans la passe, on fait pas de passe pour gagner les pépites. C'est pour les sauces de finissant, ouais pour toi et ceux de Paycor. Quand tu le décores, l'authentique GTA fait le 18-6 à crâne. Ici c'est bad, ici c'est grave, ici c'est corps paye dans la place. Quoi c'est dans la passe, on fait pas de passe pour gagner les pépites. C'est pour les sauces de finissant, ouais pour toi et ceux de Paycor. Quand tu le décores, l'authentique GTA fait 18-6 à crâne. Quien quiera que sea que me esté tocando las puertas del alma. Carte.